Comment la propagande aggrave-t-elle le mensonge? Lorsqu'on est face à ce qu'on appelle un menteur professionnel, par exemple un bonimenteur ou un menteur pathologique, quelqu'un qui ment sans pouvoir s'en empêcher par une sorte de perversion ou de pathologie du rapport des humains à la vérité, on n'est pas particulièrement effrayé. Au contraire, cette accumulation, cette systématisation nous permet de déceler en quelque sorte le menteur, comme dans les comédies qui portent ce nom. Et de même, quand on entend certains discours idéologiques qui répètent certains mensonges et parfois aussi certains discours publicitaires, on se dit en quelque sorte qu'ils font leur boulot, qu'ils le répètent ostentatoirement, et au fond ça nous permet peut-être aussi d'y résister, d'y opposer autre chose. Dans ces deux cas, l'accumulation des mensonges, l'empilement des mensonges ne change pas la nature du mensonge. On peut dire que c'est seulement un accroissement quantitatif sans qu'il y ait ce qu'on appelle un saut qualitatif, une transformation de la nature même du mensonge et de sa gravité dans la vie humaine. En revanche, il existe des cas où l'accumulation des mensonges est aussi un saut qualitatif qui change tout, qui change la nature même de notre rapport à la vérité et aux autres. Et c'est le cas dans ce qu'on appelle depuis le XXe siècle la propagande. La propagande, ce n'est pas seulement comme le mot semble l'indiquer, beaucoup de mensonges qu'on fait circuler avec intensité, qu'on propage. Non, la propagande suppose au sens strict deux sauts qualitatifs majeurs. Le premier, c'est qu'on appelle propagande un discours mensonger lorsqu'il est tenu et parfois imposé par une autorité politique. Oui, quand une autorité politique pratique et parfois même repose sur ce qu'on appelle un mensonge alors devenu systématique. Un mensonge qui est une vérité officielle, un mensonge d'État. C'est le premier saut qualitatif majeur de la propagande. Le deuxième, qu'ont bien montré certains contemporains du nazisme ou du stalinisme, le deuxième saut qualitatif dans la propagande quand elle est soutenue par des discours d'État qui éliminent tous les contradicteurs du mensonge, eh bien, le deuxième saut qualitatif, c'est de ne pas seulement de contredire la vérité, mais d'installer une autre vérité, une vérité d'ensemble qui sert de toile de fond à tous les événements, à tous les éléments, à toutes les contradictions. Un autre monde, un autre discours, une autre vérité d'arrière-plan. C'est ce que Éric Voegelin, Hannah Arendt et aussi Alexandre Coiré, ces grands penseurs du milieu du XXe siècle du mensonge et de la propagande, ont expliqué, notamment Alexandre Coiré dans ses admirables et très brèves et très simples réflexions sur le mensonge pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors, il y a un discours d'ensemble qui s'installe et qui permet une interprétation délibérément fausse de tous les événements qui se produisent. Nous les voyons revenir, ces grands discours de propagande, dans ces régimes qu'il ne faut pour cette raison même pas hésiter à appeler totalitaires, par exemple de certains régimes qui lancent des guerres et qui arrivent à fournir une explication globale que les contradicteurs n'arrivent plus à réfuter parce qu'elle s'installe comme une vérité parallèle.